cacciure, sussù di gran faraò. A Sant'Ele un guarè. L'appetito è violì, mamma la ridì. Sans oublier la faraone, de tous les temps, de temps en temps. Let's go. Nico, Nico, maman, neye, neye. Allez, tout le monde, j'ai dit, position de tira. Ah ouais. Et là-bas, au fond, je vous vois pas. Vous vous cachez, allez, sortez, position de tir. Saint José Kamba, Africom, Suisse-Monde. Oh, no. Yeah. la belle Hélène Tema, Zawiski, la dame de fer, James Claude, les fantômes, la bombe nucléaire, un John Gojo, les grands Pikachu. Attention car l'ambiance va s'aggraver. Le Mapouka Meg est en action.